60 et 10% pour 100%. J'aurais du classable le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Yeah! On vit de la magie. On est super stressé. On est compliqué. On trouve ça pas facile. Les choses étant ce qu'elles sont, c'est notre premier show. Moi, je suis stressé, en tout cas. Je suis stressé encore plus. C'est mon première entrevue. C'est ta première entrevue, pour vrai? Ah, ben, c'est. Si ça, c'est pas la réponse. Je vais te faire les gros yeux, ça va dire passe next. On passe à Christian. Ah, ben, vous avez vu, je suis pas tout seul en studio pour notre première en HD. On a trouvé une belle dame, ça fait tout le temps plaisir. Et il y a deux messieurs à côté, là. Vous pouvez regarder vers la droite, là. C'est comme vous le sentez. Très content de repartir 70% et bien sûr, douteux.tv. On a des invités de qualité ce soir. Des gens de Heroes of the North. On parle de Christian Viel et de Sandra Bellrose. Mais pour l'instant, en fait, avant de parler un petit peu de leurs produits, avant que Vincent, notre technicien qu'on remercie, nous montre un teaser, parce que c'est la deuxième saison déjà. Ben, il y a René qui revient de France avec deux folles. Et puis, ben, ils nous ont amené un cadeau. Donc, on va déballer le cadeau. On adore ça, les cadeaux, hein? Elle est contente. Et voilà, ça va vite. C'est donc l'excellent Claudia Schiffer en pleine forme. C'est Claudia Schiffer qui va nous montrer comment se garder en pleine forme. Là, ça... En tout cas, merci beaucoup. Hein, c'est très apprécié. Ça va sûrement finir à la bonne place. En attendant, donc, est-ce que tu es prêt avec le teaser, mon cher Vincent? Parce que ce serait bien de... C'est du monde de Montréal qui font un produit de classe internationale. Merci. Hein, il l'a dit. Fait que quand Vincent a dit go... Just tuning in, we are going to break. We're also getting unconfirmed reports of explosions. Got Mr. Lund! Official searching for answers as to who, what, or why. Oh yeah! La saison 2. Oui. Colin, pensez-vous vous rendre là? Oui, oui, on a déjà mis des places. Juste que la différence, c'est qu'on a fait une campagne de financement. C'est pas super champion à ce niveau-là, mais on a quand même fait un plan B, pareil. Fait qu'on va quand même tourner. On va tourner moins qu'on pensait. OK. Et voilà. Mais quand même, ça fait des épisodes de 10 minutes. Ça devient... c'est quand même un challenge de se lancer là-dedans. Oui, c'est un gros défi. Un bon défi. Mais c'est ça. C'est quand même... on a l'habitude. Ça fait quand même 20 ans que moi, je fais de la production. Ah oui? Oui, je suis habitué. Christian, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans. Ouais. Ça t'est venu d'où l'idée des super-héros de travailler là-dessus? J'ai toujours lu des BD depuis que je suis jeune. Fait que j'ai toujours voulu en faire un, projet de super-héros. J'ai même commencé en 92 en faire un, présenter par le chemin habituel, Sodec, Téléfilm. Bon, j'ai toujours fait dire non. Ben oui, c'est à ça qu'ils servent. C'est ça. Ils disent, c'est ça aux Américains, c'est pas canadien, c'est pas québécois. Ouais. Ben oui, Heroes of the North, ils sont au Michigan. On s'est allé, on s'est dit que la technologie aujourd'hui, on peut le faire pour pas trop cher, fait que c'est sûr qu'on a fait. Et même, ça se diffuse mieux qu'avant, là. Besoin d'imprimer des dizaines de milliers de cassettes pour espérer que les gens ils les voient. Hey, checkez ça, comment c'est beau, on a votre affaire en background. On est tellement rendu high grade, j'en reviens pas. Puis toi, voyons, Sandra, c'est où t'as rencontré Christian? Ben, j'ai auditionné pour lui pour la saison 1. Malheureusement, j'ai pas été choisie. Et il m'a contacté cet été et il m'a offert un rôle. Et j'étais vraiment contente. Je vais être la super-héroïne de la protectrice d'Alberta dans la saison 2. Ouh, l'Alberta! Oui. Parce que dans la deuxième saison, on veut avoir un peu des super-héros pour chaque province et territoire. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est ça. Parce qu'on avait commencé la première saison, ça se passait surtout à Montréal. Mais là, on veut expansionner. Vu qu'on a fait quand même pas mal de voyages dans le pays, avec les conventions. C'est bon, ça. On a pris du footage un peu partout. Fait qu'on peut raconter des histoires un peu partout dans le Canada. Puis c'est vrai que le leader de votre troupe est homosexuel? Non, pas du tout. Ah non, c'est vrai, c'est Alpha Flight, ça, c'est pas pareil. Et puis, c'est quel de ton super-héros préféré? Dans tous les super-héros, hein, mon Dieu, c'est une bonne question. Dis-moi pas Batman. Non. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Spider-Man, mais là, j'ai changé, puis en vieillissant, j'ai plusieurs. J'aime bien Deadpool. Noir. Green Lantern. Green Lantern, j'aimais ça quand j'étais petit. Et voilà. Puis toi, Sandra? Comme il a dit, j'en ai tellement. Là. Moi, j'aime Batman, bon, Spider-Man. On n'est pas pressé. T'as commencé par Batman. Ouais, m'excuse. Non, mais t'as le droit. Moi, t'aimes pas Batman, toi? Moi, c'est pas autant le Batman que j'aime pas que le fait que c'est rendu comme les Olympiques. T'sais. Il en sort un aux 3-4 ans. Il faut que tout le monde y aille, puis c'est important d'avoir une opinion dessus, puis ça brainwash tout le monde. Genre, dernier, ça a coûté 320 millions, ils ont rapporté 1,3 milliard, puis c'est un film moyen. Là. Il y a, très moyen. Oui, oui, fait qu'en tout cas, moi, c'est plus le phénomène en arrière, puis je serais capable d'avoir un nouveau héros, tu sais, qu'Hollywood ait une bonne idée ou qu'il donne, mettons, de la chance à quelqu'un d'autre qu'à Batman de devenir un nouveau Batman. Mais, tu sais, en tout cas, c'est une autre affaire. Jouez-vous à Magic? Magic the Gathering? Non, moi j'ai jamais joué. J'ai fait du Donjon et Dragon, mais j'ai jamais joué à Magic. C'est bon, ça c'est bon, t'es à mi-chemin. Toi, Sandra, non plus? Non, pas vraiment. Bon. Et puis sinon, parlez-moi un petit peu des héros que vous avez choisi de créer, parce que c'est vraiment une télésérie qui met en vedette des héros canadiens. Oui. Et voilà, ça prend des méchants, ça prend des héros. Parle-moi des héros. Elle va me parler des méchants. Des méchants. C'est bon. Les héros, comme je disais, on a essayé de faire une thématique qui est quand même liée aux provinces, parce que dans notre univers, tout est contrôlé par le gouvernement. OK. Fait que tout, c'est une division paramilitaire du gouvernement, le CDO. Sauf au Québec, parce que le Bloc québécois s'est plaint, il voulait pas avoir de super-héros fédéralistes au Québec. Fait que, Fleur de Lys, elle travaille indirectement avec eux, mais elle est sous la juridiction provinciale. Et voilà, oh, c'est cute, Colin. Ils ont le héros bilingue on the side. Et puis, les méchants? Les méchants, donc Médusa, qui est le gros commander, le gros méchant de la saison 2, puis qui est dans saison 1 aussi. Il y a Madame Doom, qui est aussi une méchante. J'ai joué par Anne-Marie Lozic, un drug dealer. Ouais. Ça fait une drug dealer qui contrôle pas mal toute l'importation, l'import-export dans le vieux port. Oh, Colin, hein? Il y a Crimson. Puis il y a Marie-Claude Bourbonnais qui joue Hornet aussi. Oui, qui est comme l'assistante de Medusa Commander. Medusa Commander, c'est un ancien. Comme tout. Les bons vilains de comic book, c'est des anciens nazis. Donc, c'est le Dr. Mengele qui, dans. Qui est supposément mort noyé il y a quelques années, mais qui sera encore en... S'il n'était pas mort officiellement, mais ils n'ont jamais trouvé son corps, avec ils ne savent pas. Fait qu'on ne sait pas si c'est lui, et voilà. C'est ça, mais comme tout bon... Fait qu'ils sont à peu près 100 ans, à peu près, puis nous autres, on a établi qu'il avait réussi à se garder en vie. Excellent. Ça, puis as-tu une espèce de petit spoiler pour la saison qui s'en vient, là, pour nos fans qui nous écoutent? Les fans qui t'écoutent, des spoilers... Il y en a pas mal. Nous autres, on va avoir... La prochaine saison, on va avoir... On va régler le cas, si tu veux, du Medusa Commander une fois pour toutes. Puis il va y avoir un personnage déjà établi qui va refaire surface. Hey. Au grand plaisir de certaines personnes. Et voilà, ça, c'est du bon spoiler. Ça apprécié. Merci. Sinon, un petit dernier mot de la fin. Là. Dites salut à la caméra, puis merci beaucoup d'être passé. Vas-y, dis un mot de la fin. Watch the show, ceux qui n'ont pas vu la saison 1, écoutez-la, parce que je vais dans la saison 2. www.heroesofthenorth.com www.heroesofthenorth.com. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Sandra, très très content. On est reparti en HD. Fait que là, on va aller écouter un autre teaser de la saison numéro 2 de Heroes of the North. Ensuite, on va écouter un clip excellent de... Oh! J'ai des gros yeux de mon technicien. Il était dans le même balle. En tout cas. Sinon, on va écouter un clip de... On va écouter un film. En fait, un clip, c'est excellent. Vous allez voir, c'est un certain... Andrew A. Samuels, en tout cas. C'est un gars qui est dans le business du casino. Il est multi-riche, puis il a décidé de faire un clip de rap pour faire rire de lui à l'international. Living the life. On est à 70%. Merci encore à vous deux. Merci. Go, technicien expert. Merci. Bye. And he says to me, you know, Alan, I know a lot of people with money. They do not live the life. I live the life. And you must live the life. Living the life. Hey, Samuels, Newark, New Jersey. Bringing it home. Yo, I'm living the life. Yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, I'm living the life. Yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Players on the hardwood, golfers on the green, cats making big paper, I got bitches in between. Doctors on call, gangsters that fall, I got lawyers that draw up the papers for us all. I'm just living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Bringing home the paper to the family, to the wife, but I ask them this question, are they living the life? Yo, I ask them this question, are they living the life? Yo, I ask them this question, are they living the life? Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. It ain't about black, yo, it ain't about white. It ain't even about folks creeping into the night. It ain't about the Asians and it ain't about the Jews. It ain't about the Christian Muslims, yo, fools. It's all about the paper power, living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. The caste system is what it is. From the days of old to today's time, that are fast, that are bold, to the way that we live, and the way that we roll, and the way that we flow. G4s, big Benzes, and the jewelry and the cash. If you ain't got a girl, don't let your world crash. Cause I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. I know businessmen that got it, I know bitches that are cruel. Politicians seem to think that they can overrule. Big city, suburbs, island in the streets. Which one is yours, shorty, baby? Don't go down in defeat. Yo, look up now, before it's too late. Do your thing, get out of the gate. Like a fast horse, an educated player on a bike. Get out there, my brother, and yo, live the life. I know you know people with money that can jump. Regular people that won't talk, that won't jump. People that can hoop, that can holler with spice. I ask you, my brother, do they live the life? I spit lyrics for the brothers that got paper, that got cash. For the poor with religion, with no paper, no stash. Chess players, rooks, pawns, kings and queens. Yeah, we all must die, but live your life in between. For your player that's rolling, living life on the go. To your sweeties at home that got kids on the low. To the people that protect us from the maniacs that infect us. The world is in a struggle, yo, it's all up in a fight. Don't give up, yo, live the life. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, casino was good, it got me out of the hood. Now I'm living the life, just like I knew that I would. I was wearing Ernesto suits and vests. I was bringing in ballers, only the best. Jason the Jet Terry, and I'm living the life with Ace Samuels. Living the life. From MJ, Ivy, Shaq, and AI. The boss look at me and said, damn, you fly. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Yo, I'm living the life, yo, I'm living the life. And if you ain't with a shorty, then you part of the hype. Living the life. I'm living the life. Yeah, they crazy for this one. I'm riding in Miami and I'm flying to LA. Something to say. Yo, this guy's got the twism chain, son. If you are just tuning in, we are going to break. We're also getting unconfirmed reports of explosions. Officials searching for answers as to who, what, or why. Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. C'est vraiment plus beau à acheter. diras quand c'est rendu à moi, Tommy, parce que c'est bon. OK. Ah, hein, des nouvelles en HD, tout le monde? Des nouvelles du monde en HD? Pourquoi ça marche pas? HD. Qu'est-ce qui se passe, là, Tommy? Ah, ça marche, c'est bon. Ça marche-tu? Ouais. C'est bon, fait qu'il n'y a pas de pourquoi ça marche pas. On va partir tout de suite. Une famille d'Alberta a décidé de boycotter les produits Coca-Cola après s'être fait insulter par un dessous de bouchons de bouteille Vitamin Water. L'insolent dispositif d'étanchéité exprimait simplement les mots suivants. « You retard ». L'insulte a été particulièrement mal prise par la famille, qui compte parmi ses membres une jeune fille atteinte de paralysie cérébrale et d'autisme. Oh. La famille croyait que l'insulte avait été posée là par un employé frustré, mais ont découvert qu'il s'agissait en fait d'un concours pour lequel Coca-Cola appose un mot en anglais et un mot en français sous chaque bouchon. Les chances que ces deux mots se retrouvent ensemble étaient minimes, à faire un porte-parole, mais tu sais, me semble que tu sais. Ah ben, tu sais. Je suis capable d'arriver à trouver d'autres combinaisons avec bilingue. Retard. Je vais vous en donner quelques-unes. Ouais. Little retard. Oh, oui. Lazy retard. Gentle retard. Noisy retard. Clever retard. Et mon préféré, proud retard. Coca-Cola a depuis retiré toutes les bouteilles et les a détruites, comme quoi les sensibilités sont plus importantes que l'environnement. Et la capsule est maintenant vendue sur eBay pour plusieurs centaines de dollars. Probablement. Une autre histoire de bouchon. En Oregon, cette fois-ci, un homme de 83 ans a tué sa femme avec un revolver après qu'elle ait, selon ses dires, fermé la bouteille de ketchup trop serrée. Lawrence Loeffler, qui est plugué sur une machine à oxygène, a commencé par essayer de faire croire que sa femme l'avait attaqué lors d'une dispute dans la salle de lavage, et a ensuite changé son histoire affirmant que sa femme et sa belle-fille complotaient pour l'assassiner. Il a fini par admettre le meurtre prémédité pour cause de bouchage de bouteilles de ketchup trop serrées, on s'en souvient. Il y aura un procès. Ben oui. C'est bon. Deux voleurs sont entrés dans le Victoria's Secret du Willow Grove Mall en Pennsylvanie et en deux minutes se sont sauvés avec 8 000 $ de brassières et rien d'autre. Les voleurs sont toujours au large, mais les autorités spéculent qu'ils seraient peut-être un peu maboules. Ils ont besoin de soutien psychologique. Ouais, voilà. Alors, vu que celle-là, c'est une brève, on va regarder un slideshow de filles en brassière. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Parce qu'on n'a jamais vu ça, puis qu'on sait pas ça ressemble à quoi. Hein, quand on voit du linge de même, hein? Pourquoi qu'on a besoin du féminisme? Voilà. J'aime ça quand t'ouvres trois dossiers comme ça en même temps. Fait qu'on est rendu à la dernière de ce petit bloc-ci. D'accord. Alors, deux hommes du Michigan, Jim Pullum et Robert Taylor, étaient en voiture. Taylor suivait Pullum d'un peu trop près. Pullum a stationné sa voiture à un lave-auto et est allé voir Taylor un peu fâché. Taylor est aussi devenu fâché et a sorti un gun, tirant sur Pullum, causant une blessure fatale, mais Pullum a eu le temps de sortir son gun. Oh non! Et de tirer sur Taylor, causant une blessure fatale. Wow. C'est une situation tragique car tout le monde sait que la population de gros rednecks épais est en décroissance. Pour aider la cause des gros rednecks épais, visitez le www.non, cette fondation n'existe pas vraiment en crise de cave, ou faites un don à l'OBNL de votre choix. Merci beaucoup, Bruno. On s'en va écouter quelque chose duquel tu es responsable. My name's Bruno. I live in Montreal. I don't think there's anyone who likes bacon more than me. I think it wouldn't be too much to say I'm in love with bacon. Most of my diet is based on bacon. And also I have this other project that I'm working on, which requires a lot of bacon. It's a biological study. I basically cook about 1.5 pounds of bacon every day. Yeah, I'll eat some carrots or bananas, just wrap them in bacon so it doesn't give you that awful vegetable taste that everyone hates. I think we probably could consider bacon as a vegetable though. Right now I'm chatting with this this guy that I found. He's doing the same thing as me right now, which is trying to find a way to make a viable bacon tree. We're, you know, sharing notes about this on this chat room. And do you think Bacon 69 is his real name? Well, you know, I don't think so. I've never met him, so I don't. I know that there are some traces in history, and for instance, this painting by Titian. It's the tree of knowledge. Actually, if you put it on X-ray, the apple is actually a bacon strip. I mean, it's possible that if you grew bacon on a tree, it would be the fruit of knowledge. So yeah. I've heard rumors, and I've seen some pretty convincing evidence that it's highly possible that it could work. I'd say I'm 90% confident that it might work, yeah. Hate the metro, there's always some weirdos in there. I don't know what type of soil is the best, so I'm trying everything, I'm trying everywhere. I think I've tried there, tried these things. I'm trying remote spots, usually, because I don't want to be seen. So, this looks pretty good. So, also, what's in your bag? These are seeds. I call them seeds. This is actually cooked, pre-cooked bacon. If they found out I was doing this, I think I'd probably be in big trouble. I'm trying to keep this all on the down low. If this actually works, and I'm pretty confident that it will, this means big money for these people. And I'm not in this for the money, I'm in this for a higher calling, but these people are, I think, maybe wouldn't be happy about that. And I think they probably already know that this is possible, and they're trying to hide it. So when I saw it coming out the last time, I couldn't get to it, because the spot was too hot and I was under surveillance back then, so I couldn't go back there. And when I went back, there was nothing left there. It's possibly the best thing that would happen to bacon if I could actually do this and grow a bacon tree. And why do you do this? World peace, basically. But you know, what's next? I guess just make a prayer for bacon. Are you praying right now? Yeah. Aren't you? Hey, you guys, this is Bruno. Something big just came up at the site where we went the other day. Please just come to my place as soon as possible. Thanks. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous n'avez pas d'affaires ici, vous pouvez pas filmer. Allez-vous-en d'ici, quittez tout de suite les lieux. Hey, salut Tommy! Salut Giz! Comment ça va? Je vis des moments pas pires en esti. Ouais. Hey, on est en HD! Ben oui, je te vois bien là. Écoute Tommy, tant qu'à être en HD, je me suis dit, je vais vous parler d'un jeu de Atari. T'sais, on va baisser la résolution le plus possible. Mais entre-temps que j'ai fait ma chronique de Frogger, Grand Theft Auto 5 est sorti. Fait que je me trouvais un peu... c'était faible, tu sais. Tu sais, là, le monde parle de Grand Theft Auto 5 comme quoi c'est un jeu sexiste, un jeu violent. Tu tues du monde, tu fais des vols, c'est bien effrayant. Est-ce qu'on va avoir ce débat-là à chaque fois qu'un Grand Theft Auto va sortir? J'espère que oui. Oui. Ça remplit bien les médias, je trouve. Je te dirais, c'est même leur but. Oui, c'est sûr. Fait que je me suis dit, ça serait le fun d'essayer de trouver un jeu de Atari, mais pire. plus violent, plus moralement inacceptable. Alors, je suis tombé sur un jeu qui s'appelle Custer's Revenge, un jeu de Atari par la compagnie Mystic qui est sorti en 1982. Pour ceux qui sont pas au courant, les jeux de Atari, de version porno des années 80, venaient dans une petite pochette de cuir et fallait demander à aller derrière le comptoir pour les obtenir, un peu comme les portes de cow-boy dans un club vidéo. Donc, c'est un jeu qui est basé sur le général George Armstrong Custer. Sans faire de leçons d'histoire, c'est le général des sudistes lors de la guerre de sécession qui a perdu la dernière bataille et où la guerre et où aller sur Wikipédia. Hey, loser! Ouais, un grand perdant. Et il s'appelle La Revanche de Custers. Alors, puisqu'une image vaut mille mots, j'aimerais qu'on regarde la vidéo pour montrer comment Custer se revenge d'avoir perdu une guerre contre les Amérindiens. Donc, on incarne le fameux général et on est à poil. Et avec seulement un chapeau et un bandana, et on doit aller violer l'Amérindienne pour un maximum de points tout en évitant de recevoir des flèches. Et non, ce n'est pas une joke, ce jeu existe vraiment. Un pénis de 3 pixels. Ouais, mais 3 pixels dans le monde de Atari, on parle de 12 pouces en montant. Donc voilà, donc quand on viole l'Amérindienne, on fait des points. Ah! Ouais. Puis là, ça, c'est l'idée, c'est de outbreeder les Amérindiens ou. Ben écoute, c'est sa façon de prendre sa revanche. Tu sais, probablement qu'à chaque fois qu'il y a un yin, il y a un yang, et lui, il s'est dit si j'ai perdu la guerre et je viole une Amérindienne, je suis quitte. Moi je pense aussi que de faire des enfants à une Amérindienne, ça fait plus d'Amérindiens dans le monde. Bon point. Ouais, c'est. Non, mais. c'est vrai. Mais c'est quand même multiculturalisme for the win. c'est quand même avec surprise que ce jeu-là a choqué les communautés amérindiennes, les féministes et aussi les parents, parce que ça reste un jeu vidéo. Oui. Et c'est fait pour les enfants, les jeux vidéo. Ben oui, comme Grand Theft Auto 5. C'est pas parce que c'est 18 ans et plus qu'on peut pas chialer parce que le monde de 13 ans joue. Alors, si jamais il y a des dames qui nous écoutent, faites-vous-en pas. Il existe aussi la version inversée qui s'appelle General Retreat, dans lequel on joue une Amérindienne et qu'on doit violer le général Cluster qui est attaché. On peut pas aller violer autre chose que. Et à place d'avoir des flèches, c'est des boulets de canon qui revolent dessus. Fait que c'est le même jeu. C'est le même jeu, ouais. Ok. La même polémique super intéressante for the win. Morale de cette histoire, les jeux violents existaient bien avant et étaient, selon moi, moralement encore pires. Come on. Ben, y avait pas de sous-texte. T'sais, ils sont assis autour d'une table, puis de toutes les idées qu'ils pouvaient avoir pour un jeu 3X, c'est celle-là qui est sortie et qui a été produite. Faudrait checker la ville où ça a été fait, puis. Parce que ça doit être The Bible Belt, là, mais genre en dessous. Hey, ben c'est le fun le HD, Tommy. Ben oui, je le vis. Moi, je apprends comment la nouvelle console elle marche. Je suis avec mes amis dans le studio, on a plein de plaisir. Puis là, on va écouter un clip que t'as fait cette semaine. Yay! Avec Marie-Ève qui est assise dans le salon. On dit merci à tous les amis. Merci, Giz. Merci, les amis, tout. Bon, merci, ben. HD. HD. On s'en va faire, en fait, un petit clip avec Giz. Et puis ensuite, ça va être la superbe aventure. En HD. En HD. Pendant qu'on a un bloopers, en fait, je vous prépare. Ça ici, c'est des films qui ont été faits par la MPAA. Et ça sert à apprendre aux enfants maternels que le piratage, c'est mauvais. C'est donc du brainwashage d'Hollywood envers les enfants de maternelle. J'aimerais que les personnes qui ont fait ça meurent. On think, allez chier. Hey! Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Ah, t'as mis tellement de choses, hein? Cette semaine, je regardais le monde, hein? C'est comme ça avec leurs oreilles basses, là, puis leur face de tout inclus dans le sud, là. C'est pas facile vivre, Tommy. Les loyers coûtent cher, hein? La bouffe est plus achetable. Les vacances sont terminées, puis VTL vient de sortir une nouvelle programmation, tu sais. C'est clair que la jauge de bonheur en prend un coup, hein? À cause de la fin du monde. Ben, je sais, là, je vous en apprends rien, là. C'est la fin du monde! Ça fait longtemps que c'est comme ça, là. Il y avait juste deux personnes sur Terre, puis c'était déjà le bordel. Hein, tu t'en souviens? Ouais, ouais. Il y avait Adam, puis Janine Souto. Puis tu sais, l'être humain curieux, hein? Fait que t'as beau être immortel, là, un serpent qui parle, tu veux en savoir plus, tu sais. Là, ça te promet la connaissance, fait que tu sautes sur l'occasion, là. Allez, viens. Là, tu croques le fruit, pis paf! Dur labeur, enfantement, décès, maladie, guerre, famine, tu sais, vive le changement! Pense-y deux secondes, là, Tommy. Ça doit surprendre le premier cadavre, tu sais. Tu vas pas demander à Cain, ça. Ah, faudrait demander à Cain. Cain, ouais. Un bon Ben. Oui, c'est le mot juste. Tu sais, aujourd'hui, hein, on a tout hâte à l'invasion du zombie là, pour pouvoir défouler notre frustration de vivre dans un monde dégueulasse. Mais la première fois que tu vois un mort, là, tu sais, ça te fait te questionner sur le sens de la vie, tu sais. Bon, bien humblement, là, je passe ma vie à regarder les gens vivre autour de moi. Je suis un espèce d'étudiant en vie, là. J'observe, j'écris, j'analyse, là. Bref, je suis aussi pertinent dans le capitalisme, Tommy, qu'un BS. Ça, c'était super drôle quand j'étais capable de le dire au complet. Je ne rapporte pas, hein, voilà. Mais ça m'empêche pas de travailler, comme tout le monde, à la destruction du vivant, t'sais. Moi, je suis dans le meurtre. Ben, des contrats gouvernementaux, là, à l'étranger, souvent. La plupart du temps, hein, je travaille pour le privé, mais à l'occasion, je fais un peu de communautaire, tu sais. Comme quoi, je prends aux riches pour redonner aux pauvres, là, tel un Robin des Bois, hein? mon fils, Tommy, mon oui. Fils, 8 ans, toutes ses dents, hey, ça roule des battes comme si ça avait écouté du Snoop Dogg toute sa vie. Snoop Dogg. Il vient me voir avant-hier puis il me demande Papa, pourquoi le hostie d'ancien maire de Laval, on l'appelle encore monsieur? il y a des considérations toutes primaires, hein? Ah ouais, là je voulais taper dedans, tu sais, parce que tu dis pas le hostie, tu dis l'hostie, tu sais. Ouais. Maudite limite. Mais il y a de quoi qui me retenait, tu sais. Il y a de quoi qui me retenait, c'était la fin du monde. C'est... Là, j'ai dit, tu sais, je dis, fiston, tu sais, c'est normal d'appeler un trou de cul monsieur aujourd'hui, hein. C'est comme ça, hein. Monsieur Applebaum, monsieur Charest, monsieur la reine d'Angleterre. Tu sais, donne un titre à n'importe qui, puis la tête y enfle hein, proportionnellement à son ego, tu sais. Je te le dis, fais-moi confiance. La grenouille va être encore aussi grosse que le bœuf. T'aurais dû y voir les yeux, là. C'était malade. trippait raide. Il était tout content, comme si son cœur d'enfant avait été rassuré là, que ce qu'il voyait autour de lui, c'était pas le fruit de son imagination, tu sais. Puis il me dit, ben, papa, le monde, ils ont faim de la faim. Là, j'ai dit, toi, mon petit clown. Puis c'est là que j'ai tapé dedans. Parce que... Ah ouais, faisant des farces, tu sais. Pour y montrer que l'humour, hein, c'est un excellent moyen pour canaliser la souffrance, Tommy. Mon père, il disait, la souffrance pour les handicapés puis les juifs. Ah ouais. Là, il faisait référence là, à un terrible préjugé, là, tu sais. C'est pas tous les handicapés qui souffrent. Il y en a... Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Il y en a même qui parviennent à inverser la vapeur, tu sais. Puis c'est nous autres qui en soufflent. Check Martin Deschamps. Ça ressemble à de la musique, mais non. Hein, ça... Après un couplet, il n'y a déjà plus rien à dire. En terminant, je le sais que c'est pas donné à tous la destruction. Hein? Certains vont même penser que c'est tout à fait inconcevable pour eux de faire du mal. Hein? Eh bien, sachez que rien n'est perdu. Hein? Comme le dit la Bible, hein, tout le monde a le droit à une deuxième chance, excepté une fois au chalet. Et c'est pour ça hein, que je te propose à toi, là, à la maison, sur les internets, en studio, hein? Un petit truc bien simple qui englobe bien de souffrance dans la terre, hein? Le mensonge, Tommy. En premier lieu, hein, à soi-même. Tu sais, là, tu te mens à toi-même pour ensuite, là, dans un complexe amalgame de refoulement, pouvoir mentir comme un arracheur de dents à tout le monde autour de toi, tu sais. Puis, ben là, si tu veux des petits trucs, là, hein, pour t'aider à l'obtention de ton objectif, ben tu peux écouter les politiciens parler, lire le journal ou écouter la TV. Fait que bonne semaine, puis je te reviens lundi avec ça. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Ça m'a fait tellement plaisir. Content de voir que ça va bien par chez vous. Content de voir en HD. Ouais. HD, tout de limite. On est rendu à 40 fois qu'on le dit dans l'émission. C'est bon, ça. Puis sinon, ben, on va aller écouter encore trois clips faits par la MPAA pour nous rappeler que c'est très, très mal de voler sur le pirate. Orienté par les vers les enfants, c'est important. l'énerve, le père! C'est tout le temps en chronique BD. HD. C'est maintenant la chronique HD. HD tout de HD BD. HD. La BD en HD. Salut tout le monde. Écoutez, ça fait longtemps. Ça doit faire comme 2 mois que je suis pas venu parce que bon, j'étais parti en France. J'ai cru faire des capsules d'opinion là-bas. Tout ça. Puis là, je suis de retour. Puis on me demande beaucoup, beaucoup de questions sur l'actualité BD. Alors, on va commencer par une petite nouvelle brève d'abord. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Dans toutes les adaptations de bandes dessinées, ils font toutes. T'sais, ils ont fait Boule et Bill cette année, par exemple. Ils ont fait, je sais plus, Petit Œuf, il y a 2 ans. Ben, ils vont faire un film. On a vu Garfield aussi. On a fait Garfield 2 fois plutôt qu'une. On est dû pour un reboot, d'ailleurs. Les Schtroumpfs, un reboot. Ça fait comme 5 ans, on est dû. Et celle-là, écoute, Benoît Brisefer. Ah, yeah. Ouais, et je sais pas si. Ouais, mon image est petite. Mais on la voit. Sinon, tu sais, bon. On comprend l'idée. Elle est en HD, par contre. C'est ça, fait que vous pouvez zoomer dans l'image. Vous pouvez voir l'image. Sinon, vous pouvez zoomer sur mon visage. Oui. Benoît Brisefer, écoutez, le tournage débute. Hein, Benoît Brisefer, Les Taxis Rouges, qui est une interprétation du premier album mythique de cette série plate qu'on ne lisait pas parce que. Mais sinon, on peut pas voir son image parce que c'est trop petit, mais c'est écrit aussi du dessinateur Peyot, le créateur des Les Schtroumpfs. Ah! Fait que là, je suis pas sûr. Alors voilà, étant donné que les Schtroumpfs connaissent particulièrement le premier film, un gros succès au box-office, pas plus fou qu'un autre, hein. Fait que bon, what's next? Poussy, peut-être. Autre série de Peyo, on l'oublie souvent, Poussy. Poussy? Poussy. C'est assez des. Puis je. En fait, le héros, Benoît Brisefer, il est comme super fort. Ouais. Genre méga super fort, puis il s'est jamais expliqué pour rien, puis il pogne le rhume au moins 2 fois par bande dessinée. C'est la seule manière que on sait pas si mettons il pogne la mononucléose ou s'il pogne les oreillons, il perd son pouvoir. On sait que quand il pogne le rhume, s'il pogne le sida. Ouais, voilà. Par exemple, ce qui perd sa force. S'il pogne le sida, il y a plus de chances de pogner le rhume en tout cas. Voir le rhume à répétition. Peut-être pour le troisième. Peut-être qu'il y a déjà le sida, puis c'est ça qui explique sa force surhumaine. Est-ce qu'il y a une forme de sida au rayon gamma? Si quelqu'un connaît Benoît Brisefer, contactez-nous. Alors, on continue avec le. C'était l'Anka. Hein? On continue avec le plat principal. Alors, je continue ma grande rétrospective Pif Poche qui va. J'aime ça que ça s'appelle Pif Poche. Hey, vole pas mes gags. J'en ai pas beaucoup, là. Fait que. Alors, je continue la grande rétrospective Pif Poche, qui porte bien son nom. Donc, voilà. Hey! Alors, j'ai supposé le plugger plus tard, mais tu sais. Alors, les Pif Poche, eh bien. Les Pif Poche, il y en a. Heureusement, il y en a beaucoup. Hein? Alors, puis moi, je vais décider de faire une critique de chacun d'eux. Et qui plus est, pas le faire dans l'ordre non plus. Alors, c'est quelque chose, c'est un grand projet qui s'étend sur 6 ans. Alors voilà, on va commencer par le Pif Poche numéro 301. Demande spéciale, je sais pas, je le dis comme il faut. Demande spéciale de M. Simon Préjean. Parce que c'est notamment un. T'as pas eu bien de fermer la caméra. Ouais, mais on apprend, là. L'HD, c'est un tout nouveau monde. Je fais pas un reproche, mais. Qu'est-ce qui se passe? Il fait noir! Mais là, pas là, Julien, mais toi, là, pas là! Pif Poche, tabarnak. Alors, voilà. Pif Poche numéro 301, une demande spéciale de M. Simon Préjean. Parce que notamment, c'est un Pif Poche spécial ninja. Et je sais, Tommy, que tu apprécies beaucoup les ninjas. Alors, oui, j'adore les ninjas. Ben, tout le monde aime les ninjas. Oui, tout simplement. Alors, ça le dit sur le dessus, sans jeu, sans gag, sans info ninja. Et j'ai rajouté sans saveur aussi. Voilà. Il reste 2 gags. Par ailleurs, j'ai compté le nombre de jeux. J'ai pas compté le nombre de gags, mais j'ai compté le nombre de jeux. Et il y en avait 109. Fait que déjà en partant... C'était pas de représentation. Je savais pas quoi dire là-dessus, OK. Là. On réalise assez rapidement, en lisant un Pif Poche, qu'il y a pas... Il y a pas vraiment une chronique à faire avec ça, finalement. C'est... Je prends les demandes spéciales. Alors voilà, ça se compose de 300 calices de pages. Celle de gauche est toujours constituée d'un jeu et celle de droite d'une bande dessinée. L'histoire est dure à suivre, hein, ça, on n'arrive pas trop... sinon ici, ce gag-là, je vais en faire quelques-uns rapidement. Ici, il y a Pif qui arrive. Hercule est toujours en mode concentration. Puis là, Hercule, il dort. Puis il fait « Ce gag va finir par lasser le lecteur. » Parce qu'effectivement, c'est le troisième gag de suite que c'est Hercule qui dort en faisant de la méditation. Puis c'est assez méta, hein. Il dit « Ça va lasser le lecteur. » Puis c'était « Voilà, ouais. On continue. » Ensuite de ça, ici, je l'ai pas compris. Ici, Hercule qui joue avec son épée, puis il fait « Kai, Banzai, rap! » Pif, il fait comme « Hercule, écoute-moi! Hercule, Hercule! » Parce qu'il fait trop de bruit, tu sais. Puis là, à la fin, Hercule fait comme « Mais enfin, Pif, pourquoi crier comme ça? Je ne suis pas sourd. » Ça, c'est la fin du gag. Ouais, là. C'est pas des fois, ça, c'est un problème assez récurrent dans un Pif poche. C'est que, je veux dire, la personne qui doit chier 100 gags de Pif par mois... Mené ne prend plus la peine d'écrire un gag à un certain moment parce que chaque homme a une limite. La vie, c'est un voyage, c'est pas une destination, hein, Julien. Non, c'est vrai, t'as très raison. Puis en plus, en 90, hein, c'est une époque plus simple. Tout était différent. Saison 1 des Simpsons. Mmh. Les Canadiens pouvaient encore gagner des coupes. Oui. On va sauter une coupe de pages. non. ouais, non, ok, celle-là est vraiment attardée. Ok, fait que là, il y a Hercule qui est. Je n'arrive pas à dormir. Il n'y a qu'une solution. Au grand mot, les grands remèdes. Puis il y a comme un bâton dans les mains. Le Pif est comme. Mais il est fou! Il se crisse un coup de bâton sur la tête. Puis là, il dort. Merci! What the fuck? C'est vraiment attardé, là. C'est moi. La stratégie Tintin. La stratégie Tintin, c'est crisser un coup de bâton sur la tête. Sinon, ben, à mi-chemin, il commence à avoir plusieurs gags, étant donné que c'est un spécial ninja, qui se passe en Chine ou au Japon. En Chine, je pense. Puis là, ben, il y a comme... ici, Hercule qui se fait arrêter par un policier à la fin parce qu'il dit « Allez, oust, à la fourrière. Ici, au Japon, on ne tolère pas le vagabondage animaux. » Puis je me suis dit « Ben, heureusement qu'il n'est pas en Chine, hein, parce qu'il serait fait manger. » Alors, hein? Sinon, mais des fois, il nous joue des tours ici en dessous de la BD, vu qu'elle est assez courte. Il y a une charade. Fait qu'on s'en sauve pas, là. Il y a des jeux de ces deux pages parfois. Fait que c'est une lecture assez longue. Ça m'a pris pour vrai une heure et demie lire ça, puis j'ai juste lu les bandes dessinées. Fait que, tu sais, à défaut que ça soit bon, t'en as pour ton argent. Puis, j'ai ici un exemple. Pif lit le journal. Dis donc, j'ai lu sur le journal qu'au Japon il ne reste qu'un seul samouraï. Il a 80 ans, ce serait patent pour notre reportage. 80 ans, tu dis? Il a l'air en pleine forme sur cette photo. C'est normal, c'est lui étant jeune. Fait qu'on voit que quand il y a un gag, c'est encore pire. C'est pas meilleur. Fait que rien, on s'en sort pas, là. Puis c'est long à lire. Alors voilà, c'était... puis j'ai réalisé finalement que quand tu lis un Pif poche adulte, tu passes essentiellement par les étapes du deuil. Je pense. au début, t'es dans le déni que tu lis un Pif poche. T'es comme... je suis pas en train de lire un Pif poche. Puis après ça, tu tombes dans la... Je les ai notés, parce que je m'en rappellerai pas. Après ça, tu tombes dans la colère, parce que tu viens en crise de lire ça, mané. Tu viens fâché, là. Quand j'ai réalisé, mané, là, tu sais, je prenais des notes, puis j'ai réalisé que j'étais à la page 90, il y en avait 300, là. T'sais, bon, puis après ça, tu tombes dans le marchandage. Je veux pas de gag. Ensuite de ça, après ça, tu tombes dans la dépression. Tu te dis, faut que je me rende jusqu'au bout. J'ai pas le choix, j'ai une chronique à faire, on est en HD. Et finalement, l'acceptation. J'ai lu le Pif Poche 301 à 30 ans. Je suis pas mort. Mm. Alors voilà, je vous le conseille. C'est 10 sur 10. Merci Julien, t'as brisé la glace en HD. Puis on va écouter les trois dernières vidéos de la série de brainwashage pour enfants qu'on a commencé juste avant. Juste trois. Asti que j'ai. Man, on est à 70% complet. You might be wondering why copyright matters, or why a kid would be talking about copyright at all. Here's why. Yesterday, I made a new friend. We like the same music. She asked if I had this great song. I told her no, so she says, I'll share it with you, thinking she was being nice, right? She's about to send me this new song, and I say, my dad's a songwriter. He works hard. Late at night, I hear him at the piano. But it's hard to make a living when people don't buy songs. It was awkward for just a second. Then she said, I get it. Copyright matters. Why would a kid care about copyright? I have a good reason. My mom's a programmer. She builds video games. Cool, right? It was cool, until our company had to lay people off. Their games are popular, but a lot of people don't buy games. They copy them from a friend or download them illegally from the internet. You might think it doesn't hurt anyone, but you can't make a living if people don't pay for your work. Copyright matters. Copyright and creativity go hand in hand. Do you dream of someday being an artist? A writer? A photographer? A songwriter? A movie maker? Then copyright is your future too. Hey, si ça, ça donne pas à réfléchir, sapristi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bruno? Ben moi, j'étais en train de me demander si les gens qui ont fait ces vidéos-là sont fâchés qu'on les partage sur Internet en ce moment. Ouais, c'est un petit peu drôle. Fait qu'on continue, on termine l'émission avec ton dernier bloc de nouvelles. Certainement, on va faire ça en rafale. Continue fort, man, continue. Alors, quelques-uns d'entre vous se souviendront de la fois où lorsque 70% était à un autre poste que je n'oserais nommer, je m'étais fait un Big Mac poulet composé de deux boulettes de Big Mac et de trois boulettes de Mac poulet qui servaient de pain. Allant contre toutes les lois établi pour bien runner dans l'autre endroit. T'étais tellement rebelle dans ce temps-là. Eh bien, il y a Nick de Dude Foods qui m'a clenché en Saint-Simonac. Pour 140 $33 US, il s'est fait un Mac tout composé de tous les sandwichs que McDonald's offre. Afin d'avoir tous les sandwichs, Nick a dû se faire une charmante stratégie qui consistait à arriver 30 minutes avant la fin des déjeuners pour aussi avoir les sandwichs à déjeuner dans son Mac tout. Donc un total de 43 sandwichs font partie de son Mac tout. Nick est un héros qui devrait être célébré en chanson. Il affirme que ça va être son lunch pour la prochaine semaine. Ben ouais, oui. C'est... On a ici la face du champion. On va y mettre en gros, là. Ça, c'est un homme. C'est bon. Let's go next. D'accord. Alors, après s'être fait arrêter pour conduite en état d'ébriété à un barrage policier, James Paul Andrews du canton de Cranberry, en Pennsylvanie, a commencé à japper et à grogner après le chien policier qui était sur place. L'homme de 26 ans qui était menotté au moment de l'incident fait face à une accusation sérieuse d'avoir incité le chaos. Qui est non seulement le nom d'une vraie accusation, mais aussi le nom du chien. C'est K.O. qui s'appelait K.O. Donc, inciter le chien K.O. pourrait le mener en prison pour 7 ans, en plus de sa condamnation pour conduite en état d'ébriété. 7 ans pour avoir grogné après le chien. Ouais. Okay. Avoir incité chaos. Voyons, ça peut être n'importe quoi. Inciter le chaos, c'est... Non, mais c'est parce que le chien s'appelait Chaos, ça s'additionne. Là. Ah, ça se multiplie. Ça se multiplie. Colin, bon, mais next! D'accord, un couple de Essex en Angleterre a dû retarder leur cérémonie de mariage quand un invité surprise s'est présenté dans l'église alors qu'ils étaient sur le point d'échanger leurs vœux. Les invités qui sont arrivés à l'église avant les futurs mariés ont rapporté à la police qu'un homme ensanglanté se promenait dans l'église, se garochant dans les chaises, ça et là. Un morceau de chair traînait sur le sol de l'église. L'homme s'était en fait coupé les testicules. À l'intérieur de l'église, il a été transporté dans une clinique de santé mentale. Ultimement, les mariés ne se sont pas laissés avoir par cet acte d'automutilation. Ils ont continué leur mariage et semble-t-il que la nuit de noces fut magique. Mais le gars, il était-tu de la famille? C'est quoi? Il a trouvé une église, il a trouvé un mariage, il a dit bon, allez les faire. Il a trouvé une église, il a trouvé une paire de ciseaux, puis il a trouvé un pénis, il a trouvé des testicules. Il a dit pourquoi je suis pas en train de rendre tout ça constructif? Un fermier et un politicien autoproclamé de 66 ans a apparemment pris trop de Viagra dans une tentative de donner du plaisir à sa nouvelle blonde. Selon les journaux locaux, il aurait souffert d'une érection de plusieurs jours avant de se présenter à un hôpital. Quand les professionnels l'ont examiné, son pénis était enflammé, fracturé et démontrait des signes de gangrène. Les médecins locaux, dépassés par le membre, l'ont fait transporter dans un hôpital dans la ville de Neiva, où il a été déterminé que l'amputation était la seule solution. L'homme est en rémission et se porte bien. L'hôpital a diffusé un avertissement pour les habitants leur recommandant de ne pas utiliser ce genre de drogue. Une semaine avant cet événement, au Yémen, un homme de 25 ans a succombé d'une overdose de Viagra après en avoir gobé 5 à sa soirée de noces. Pour faire plaisir à sa blonde. Ouais, c'est ça, pour faire plaisir à sa blonde seulement. Ouais. Ouais. Ouais. En tout cas, ben, félicitations à lui. On arrive à la dernière. On arrive à la dernière. Les belles gueules de champions. Ah oui, eux autres, je me demande. Des fois, je me demande comment ça se fait qu'ils sont tout le temps là, tout ce monde-là. Puis après ça. Mélanie Selenite de l'Utah a plaidé coupable à des accusations de tentative de sollicitation criminelle et de possession d'une arme dangereuse pour une personne sous surveillance après avoir persuadé son mari de tuer leur voisin parce qu'il la violait par voie télépathique. C'est les Mayas, je pense, qui faisaient ça en premier. Aïe, elle a vraiment l'air conne. Hein. Après avoir acheté le fusil pour son mari, Michael Selenit, un criminel dangereux notoire, elle aurait demandé de tirer sur leur voisin, Tony Pierce, qui travaillait dans son jardin. Les deux ont été jugés compétents de recevoir une sentence. Michael a été condamné à 2 sentences de 15 ans de prison consécutive. Et Melanie devrait recevoir sa sentence le 31 octobre. Hey, merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on est comme rendu à la fin de l'émission, ça. Restez pas loin. Merci à Bruno, merci à Christian et Sandra des Heroes of the North. Merci aussi à l'excellent Giz. On a Mathieu qui est passé, Julien Bernatchez. On est en HD, Colin. Restez avec nous. On écoute un petit dernier clip et puis juste après, ça va être comprendre. On va parler du film d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment ça s'appelle déjà? C'est ça, là. Le film d'aujourd'hui! US Seals. Vous avez écouté 70%. And then I turned to him and I said, by the way, given the fact I'm willing to do those things, would you come here and perform a concert tonight for my friends? And he said he would. So I'm... Vodka rocks, hold the rocks. So I'm happy to introduce a set of Detroit... You mind changing the channel? It's a bit Neanderthal. ...everywhere I go. Kid Rock! Born free. All right. Hope and change, huh? 4 years later and working folks are just hoping to have a little change left over after your boy here, old bummer, gets done taxing them to death and redistributing the wealth. Was it Goebbels who said, tell a lie 1,000 times, it becomes the truth?